J'ai lutté, enchaîné, ton passage m'a aidé à compter toutes ces fois, gagné par mes états. J'ai chuté dans le passé, le voyage commençait. Je suis dans la tempête, j'ai fini par faire fausse route. Et si malgré l'effort, je suis bouffé par le doute. Et si je perds espoir, et si j'ai peur du noir, rappelle-moi l'ordre et qu'ils partent se faire foutre. Ils sont ma sainte, tu le sais au fond. Avec ta chance, elle décide de changer ton Satan. J'en ai le mal de. Elle n'est pas si docile. Son innocence périle. Je regarde haut en bas et lui qui s'en est. N'est pas né dans le milieu adapté pour toucher les cieux. Oh, encore une prise de tête entre le lion, le cerf. La vie n'est pas certaine. Au différent de toi, eux, ils n'ont pas touché le fond. Si elle n'est que mirage, alors je choisis mes pions. Ils sont malsains et ça, tu le sais très bien au fond. Qu'avec ta chance, ils pourraient bel et bien changer. J'en ai le mal de. Elle n'est pas si docile. Son innocence pure. Je regarde haut en bas et lui qui s'en est. Un certain nombre d'anecdotes jalonnent le parcours flamboyant de Berthe Silva. En 1935, ses admirateurs marseillais lacérèrent les banquettes de l'Alcazar. Elle jouait à guichet fermé et ses admirateurs enfoncèrent la porte de sa loge. Et puis en 1936, comme suite à l'enquête « Quelle est votre chanteuse préférée ?», une majorité de jeunes filles entre 13 et 15 ans répondirent Berthe Silva. Par ailleurs, un passage à Radio Toulouse lui aurait valu 16 000 lettres d'admirateurs. Allez, c'est une chanson de 1931, le tango des fauvettes Berthe Silva. Des parfums de violette, un frisson de mandole fait chanter toutes les fauvettes avec leurs tresses brunes et leurs yeux de velours. À qui cherche fortune, elle donne l'amour. Dès que le jour a fui, elles s'en vont légères et de l'ardente nuit font goûter le mystère, les baisers de passion de ces fauvettes brunes sont la folle chanson qui monte au clair de lune. Le gaucho qui chemine dans la sierra mystérieuse presse sur sa poitrine sa tendre fauvette amoureuse. Il a le cœur en fête en cette nuit d'été. faire tout bas la fillette, lui promet sa beauté. Dès que le jour a fui, elles s'en vont légères, et de l'ardente nuit font goûter le mystère, les baisers de passion de ces fauvettes brunes sont la folle chanson qui monte au clair de lune. Hélas, il doit quitter ce doux pays de rêve. Il emporte là-bas l'espoir et la fortune, mais son cœur restera chez les fauvettes brunes. Au concours Eurovision de la chanson européenne, en 1966, la France était représentée par Dominique Walter. Attention, dans le monde de la chanson, il y a deux Dominique Walter. Le Vosgien, ben c'est pas lui. Et il y a le fils de la chanteuse, Michel Arnaud, c'est lui. Et Dominique Walter avait été choisi pour représenter la France face à Mireille Mathieu et Michel Thor. Bizarre, bizarre. La finale eut lieu au Luxembourg et 18 pays y participèrent. Et Michel Arnaud, la mère de Dominique Walter, faisait partie du jury. Bizarre, bizarre. C'est l'Autriche qui l'emporta avec la chanson « Merci chérie ». Et la chanson française « Chez nous » se classa 16e sur 18, elle évita la dernière place grâce à un point attribué par Monaco, le seul point recueilli, merci les Grimaldi, bizarre bizarre, chez nous, Dominique Walter. C'est vraiment une chance qu'on ait fait connaissance lorsqu'aux dernières vacances tu es venu chez nous. Traversant l'Atlantique, tu avais ces classiques, des idées romantiques sur les gens de chez nous. Car depuis bien longtemps, aux yeux des étrangers, notre vieux continent n'a pas beaucoup changé. C'est avec des façons qui datent de toujours qu'en Europe les garçons font oublier leur goût. Il n'empêche que l'on s'aime et qu'on peut sans problème se marier quand même, comme on le fait chez nous. Tu voudrais m'emmener là-bas, dans la ville qui t'a vu naître, où tout est grand, trop grand pour moi, où les murs n'en finissent pas. Moi je veux bien te suivre, mais j'ai lu dans les livres que le mieux pour y vivre, c'était encore chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous. Je préfère aux grandes cités la douceur d'un petit village, où sur la place les soirs d'été on peut s'amuser et danser. Toutes ces différences dans nos deux existences n'ont aucune importance pour être heureux chez nous. Dans la rue où j'habite, tout le monde t'invite à devenir bien vite une enfant de chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, parmi des guitares accompagnant assurément le rythme pop, Benny Adam introduit graduellement au fil de la chanson de nouveaux éléments comme des pianos, un orgue et nous offre aussi différentes sonorités de basse et de percussion. Oh, l'ironie est présente. Les paroles du refrain montrent en effet un questionnement sur la vie du soir pour s'évader de ses problèmes, mais finissent ensuite sur une phrase montrant qu'en fait, bon, il ne s'en soucie point. Laisse-moi toute la taille, je sais pas, Benny Adam. Déçu de la vie comme quand la lumière s'allume en boîte, personne n'a blâmé à part moi, même si je n'ai pas de chat. Tu sais, on a marre de tout toujours prendre sur soi. Si je me tais, c'est pour mieux trouver ma voix. J'aimerais t'en parler, m'enlever tout ce poids. Par où commencer, je ne saurais pas. Je vais soigner mon cœur tous les samedis soirs. Le soigner de quoi, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. La prochaine chanson, c'est l'histoire d'une dame très amoureuse d'un trompette en bois et qui lui demanda de lui jouer de la trompette. Ah, ça faisait 10 ans qu'il ne l'en avait pas joué. Malheureusement, le monsieur n'assurait pas car il avait une trompette en bois. Oh, vous y comprendrez ce que vous voulez. La trompette en bois, George Milton. Une fois, quoi, quoi, quoi, une poupée en velours qui devenait folle d'amour pour un petit soldat de bois qui, ma foi, refaisait avec chic le même geste automatique. Il tenait une trompette, mais il ne jouait jamais rien. Et constamment la pauvrette murmurait le croyant musicien. Dis chérie, oh, joue-moi-en avec la trompette, comme se doit d'être amusant. Joue-moi-en, sans, joue-moi-en. Il s'excusait en lui disant, mais d'un air bête, je le regrette. Je n'en joue pas, je vais te dire pourquoi. Ma trompette, elle est en bois. Elle essayait parfois, quoi, quoi, quoi, de le charmer, de le griser, avec un gentil baiser. Elle espérait, je crois, quoi, quoi, quoi, qu'enflammé de désir, il voudrait lui faire plaisir. Mais comme un petit égoïste, il se laissait dorloter. Et après, mon Dieu, que c'est triste, le trompette aussitôt s'endormait. Ah, dis chérie, oh, joue-moi-en la trompette, comme ce doit être amusant. Joue-moi-en, sans, joue-moi-en. Il s'excusait en lui disant, d'un air bête, je le regrette. Je n'en joue pas, je vais te dire pourquoi. Ma trompette, elle est en bois. Tout là-bas, j'aperçois, quoi, quoi, quoi, une belle dame qui, dans le fond, ne rit pas de ma chanson. Poupée, elle a comme toi, quoi, quoi, quoi, un mari musicien dont la trompette ne joue rien. De temps en temps, il s'apprête à faire taratata. Mais aussitôt, il s'arrête, car hélas, il ne fait cra-cla-cla. Ah, dis chérie, en joue-moi-en la trompette, la trompette. Tu ne m'en joues plus depuis 10 ans. Joue-moi-en, joue-moi-en. patience excusant. Le dinde arpète, je le regrette. Et finalement, il reste quoi? Encore un trompette en bois. Il reste quoi? Encore un trompette en bois. Moins médiatique que les autres chanteurs de son époque, Henri Tachant n'en est pas moins un fin lettré qui flirte avec Verlaine, Rimbaud ou Baudelaire. Son goût musical pour Beethoven ou Schubert se ressent dans les sonorités de ses musiques. Alors, chanteur inclassable, hein, ses chansons à l'humour noir bouscule le monde du spectacle et dénonce une vision de la connerie et de la bien-pensance hypocrite. Les thèmes abordés, oh, l'armée, le clergé, les bourgeois, les médias et tant d'autres. D'autres chansons abordent des thèmes plus tendres, passant de ses coups de gueule à des coups de cœur. Henri Tachant est absent des médias et de la télévision, l'ignore. Certaines radios diffusent encore ses chansons. Mais alors là, c'est très rare, il faut être sur Radio Pagette. Le grand méchant loup, Henri Tachant. Le loup depuis toujours a eu le mauvais rôle. Sous son grand manteau noir, il ricane le drôle. C'est le vilain apache, le sanguinaire sioux. C'est le scalpeur d'enfants, c'est le grand méchant loup. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres américains. Combien de visages pâles et combien d'indiens. Les trois petits cochons, tout au fond de leur planque, entassaient leurs millions, y avait pas encore de banque. Lorsque surgit vengeur, le drapeau noir en main, notre Arsène Lupus, notre Arsène Lupin. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres marchands de grains. Combien d'oncles Picsou et combien de mandrins. Un agnelet dodu buvait dans l'onde pure, cachant dessous sa laine une tendre nourriture. Le loup en salivant lui dit: mon pauvre agneau, même Jean de la Fontaine raffolait du gigot. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres suceurs de sang. Combien de cannibales, combien de non-violents. Le petit chaperon rouge, déjà fief et salope, avec son petit pot de beurre et sa petite culotte, a dit à l'animal: tu viens chez moi mon loup. À une pareille invite, qui refuse qui de vous. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres tristes tapins. Combien reste-t-il d'anges et combien de putains. Le loup sur son chemin de jeûne et de misère explique à un beau chien bien luisant, bien prospère, à la vue de la chaîne accroché à son cou: à toi la vie de chien, à moi la mort du loup. Pauvres hommes, pauvres pommes, pauvres canichonneurs. Combien y a-t-il d'esclaves et combien de mutins. À vos sales histoires, vos contes, vos dictons, c'est de la merde à boire. Et si la faim elle fait sortir le loup du bois, vos guerres vous font sortir de partout à la fois. Pauvre mec, pauvre blanc bec, pauvre triste filou. Combien reste-t-il d'hommes, dites-moi, et de loups. Combien reste-t-il d'hommes, dites-moi, et de loups. Combien reste-t-il d'hommes, dites-moi, et de loups. Presque est une chanson d'Alain Souchon qui lui a été inspirée par une conversation avec son ami Édouard Baird. Ouais, je suis à Brest, c'est presque bien. J'étais dans une soirée, c'était presque bien. Alain Souchon a immédiatement tiqué sur ce presque qui revenait si souvent. C'est super quand tu me dis presque comme ça. Oh, il faut qu'on fasse une chanson qui s'appelle Presque. Alors ça faisait longtemps que je lui disais que j'avais envie de faire une chanson avec lui. J'aime être avec lui, il a un esprit, on a quand même des gens merveilleux en France.

chanson sortie en 1988 et dont les auteurs sont Marc Lavoine, Patrice Mitois et Fabrice Aboulker. Bon, c'est une chanson qui traînait dans les tiroirs de Marc Lavoine et celui-ci avait rencontré Catherine Ringer, vous savez, la chanteuse d'Erita Minsuko, quelque temps plus tôt sur le plateau de Canal+, et eut l'idée de lui proposer un duo. Alors il téléphona à Catherine Ringer, qui, pensant qu'il s'agissait d'une blague, lui raccrocha au nez. « Pas que ça à foutre !» Marc Lavoine insista et la rappela. Mais là encore, la chanteuse refusa de le croire. Elle alla même jusqu'à lui dire « Si tu es vraiment Marc Lavoine, chante-moi les œufs revolver !» Alors on imagine la scène. Marc Lavoine s'exécuta avant de lui parler de son projet et ils décidèrent de se rencontrer au plus tôt. « Qu'est-ce que t'es belle ?» Marc Lavoine, Catherine Ringer. T'es belle quand tu penses à toi. Je me sens pas belle quand tu sais que je ne sais pas. Qu'est-ce que t'es belle quand tu dis je crois. Quand tu doutes comme ça. Le soleil déjà l'air de moi. Le soleil là, cache-toi dans mes bras. Le soleil déjà l'air de moi. Le soleil là, cache-toi dans. Quand t'as peur de toi. Je me sens pas belle quand tu rêves à quoi. Qu'est-ce que t'es belle quand tu penses à moi. Le soleil déjà l'air de moi. Le soleil là, cache-toi. Le soleil déjà est de moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Dans mes bras. Je me sens pas belle. poursuivre une chanson sortie en 2019. Je voudrais retourner dans mes vieux contes de fées pour y redessiner une terre oubliée. Je voudrais retrouver tous ces beaux cavaliers, leurs belles dulcinées. Ils avaient l'air de tant s'aimer. C'est les contes de fées, les frangines. Je voudrais retourner dans mes vieux contes de fées pour y redessiner une terre oubliée. Je voudrais retrouver tous ces beaux cavaliers, leurs belles dulcinées. Ils avaient l'air de tant s'aimer. Moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Je serai chevalier, le lendemain pompier, je commanderai une armée, un jour tyran et l'autre flanc. J'aurai ma vie sur des parties de billes, je passerai mon temps à charme et dépassement. Moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, me faire petit mais si petit qu'on ne me voit plus dans le noir. Et moi je veux croire à mes histoires, partir en guerre dans des combats, dans des conquêtes de territoires qui n'existent pas. Je veux me glisser dans les couloirs de l'interdit, mettre le bazar, Dans les années 70, beaucoup de chansons interprétées en duo caracolaient en tête des hit-parades. Souvenez-vous, il y avait Stone et Chardin, Sheila et Ringo, Sylvie et Johnny. Et c'est alors qu'Alain Barrière eut l'idée d'un titre parlant de l'amour au quotidien, une chanson légère évoquant avec volupté les douloureuses séparations quotidiennes d'un couple amoureux. Alors Alain Barrière, qui avait hâte de sortir cette chanson, souhaitait l'enregistrer avec Noël Cordier. Mais il dut attendre que celle-ci soit disponible et patienter jusqu'à la fin des représentations de l'opéra rock La Révolution française. C'est alors qu'une autre complication intervint. Son fidèle arrangeur, Jean-Claude Petit, était indisponible. Vraiment pas de chance, hein. Furieux, contrarié, Alain Barrière fait alors appel aux synthétiseurs et aux arrangements musicaux du Toulousain Gérard Salès, et il s'en suivra une amitié de 30 ans. Tu t'en vas, Noël Cordier, Alain Barrière.

Erza Enrico Macias. Au revoir. Sentimental.